Chanm gason se pou mwen, se la dam pran repom. Oui, gen de mouman, bel ti pom na dan noto. Oui, ma pre de bon tye, pom sa jwen yon bebe. Ti pawol tou piti, pan mi voisinaj, piyes moun patante. Telman kares la douce, ti moun voisinaj, piyes moun patante. Chanm gason se pou mwen, se la dam pran repom. Oui, gen de mouman, bel ti pom la dan noto. Oui, ma pre de bon tye, pom sa jwen yon bebe. Ti pawol tou piti, pan mi voisinaj, piyes moun patante. Telman kares la douce, si moun voisinaj, piyes moun patante. Oui, ma rele, bon Dieu nan ciel, si nan pouen gason ici. Yon bel bebe tan kou jislen, men son fom kap karesel. Oui, ma rele, bon Dieu nan ciel, si nan pouen gason ici. Yon bel bebe tan kou jisel, men son fom kap karesel. Nan peyi pam, nan pouen bagay kon sa. Peyi pam, fom pa komande. Fom pa komande, fom pa komande. Peyi pam, fom pa komande. Oh, yon nou paret avek fom. Nan peyi pam, fom pa komande. Men se fom, man se fom, man se fom ouye. Nan peyi pam, fom pa komande. Men kon be gen fom, men ka mou gen fom. Avek il eme, tout bagay chanje. Tout bagay chanje, tout bagay chanje. Man obije, pale maman pou. Wal pale pou ou, ou fe trop bagay. Ape mande ki le wap korije. Ou pap korije, ou pap korije. Avek il eme, tout bagay chanje. Le prêcher roulière. Gardez-nous. Nous remets la ma prêcher. Nous remets ça. Nous remets ça. Nous remets dans des ma palais. Ma palais net. Net. Net. Où la température a changé. Où la sinon l'autre ambiance nous est. Ambiance facile. Coule à même, son question de saucisse, saucisse, saucisse, saucisse, saucisse, saucisse. Bon, gardez non, où qu'on est gros camion quoi, gros camion Ford là, les blanches là. Il y a une boîte derrière. Et puis il y a l'autre petit camion encore. Petit camion tout rouge. Petit camion marqué en mouko. Nous on est habitué avec lui. Mais devant ça, c'est gros camion dérivé. Vous connaissez gros camion ça, c'est lui-même qui toujours prend saucisse en mouko pour le porter. Non. Maquette. Yon jou samedi, camion qu'on a chargé avec saucisse. La descente vient de bas la ville. Camion dérape en pot. Il passe devant Poste Gazo. Belle gasoline. Il descend. Il prend la ligne, il descend, il descend. Il arrive à Boasco, il descend. Il prend aller toujours. Il arrive à bon monument des Alines. Il passe. Il arrive dans le carrefour ce matin. Il descend. Il passe Boga. Il foule descend toujours Jean-Béry Timas. Rue Macachou. Rue de César. Rue des Fonfort, rue Bonnefoy. Le moment pour le déboucler, rue des Miracles. C'est le moment. Je viens de la lumière rouge. Chauffeur n'a pas la lumière rouge là. Chauffeur foncé. Mais, t'es un automobile qui sortit en bas dans la rue des Miracles. Pour bon Canada qui a râlé monter. Mais plus que chauffeur, quand même, il y a la lumière rouge. Mais automobile là, même si lumière vert, il y a droit de passage. Il faut tout. Il faut chier. Oh oh. Avec qui mon alvon collision avec camion quoi. Chauffeur camion quoi même. Fond coup de volant. Bredé a détaché. Il est tombé dans le ciment. Go! Saucisse gaillé. Saucisse? Mais gros c'est saucisse yo. Mais longue saucisse yo. Saucisse, saucisse. Oh oh oh. Mais, t'es une femme, ou malheureuse, ou bonne malheureuse, qu'avec, les chitans bagalés, les ribatards, quand on a une machine de pissage, chant, on a une chita, machine de surette. Malheureuse, la chita là, les gens qui m'ont demandé, tout le monde qui a un petit 20 centimes, un petit 15 cobs, les prenez. Mais la veuve, pauvre malheureuse. Pendant que tu as détaché dans le camion, tu es tombé dans le ciment. L'aime tout ça, saucisse volée. Mais quoi, son saucisse, tu as tombé dans l'estomac, malheureusement. Malheureusement, pop! Tu prends saucisse là. Tu roules. Tu roules saucisse là. Loulel, loulel. Femme dans le oui! Si tout le monde pas mourir, mes chauffeurs a mouru. Deuxième page. Regardez non. Coulé à côté de moi, je vais danser. Moi, je vais danser. Et je ne vais pas qu'être pour qui la côte là, qui pas qui attend des ordres, petit mounio. Et moi-même, regardez côté bien, je vais chanter dans des ordres. Mais ou bien avec moi, puis je ne vais pas plomber non. Vous comprenez? Je ne vais pas plomber non. Pas plombé non du tout du tout du tout. Comprenez bien avec vous. Mais faut me raconter soit des petites mounio. Qu'il y a des questions non pas poser en vie. Des questions pas faites pour poser en vie. Tendez ça monsieur Divia. Oh chéri, depuis des mois, on va l'emballer avec vous, on va danser avec vous bagaille son série de bagaille. Nous courir, nous faire la go, nous le cacher ensemble pour faire comme ça, faut qu'on s'attend, vous comprenez? Mais il paraît que m'a passé même au Tijan bataille, moi au Tijan comme d'ado y a un monde qui manquait fourniture. Il a dit oh, ça veut dire fourniture. Ça veut dire fourniture. Oh oh. Puis a saisi. Il a dit qu'il y a des questions pas faire pour poser. Quelle question poser là? Parlez-moi clair, soit dit non, parlez-moi clair. J'ai dit ma chère, pas grand-rien pour cacher où. Pas grand-rien pour cacher où. M'a dit vérité. Comment moi tant comme d'ado y a un monde tant comme d'ado y a un Tijan pour comprendre. Quand on monte qui manque cheveux. Petit fille a saisi. La petite fille a tombé crié même là. Il m'a dit depuis l'audio. M'a appelé dans l'emballage avec vous. C'est la qualité que je m'a posé. Même depuis toute vérité, peut-être tout bagage, je ne vais pas cacher. Dédiou. mes conditions. Ouais, mia. De maman, mon café de maman, je m'as une belle. Nan peyi pam nan pran bagay kon sa. Nan peyi pam kon pa komande. Fòm pa komande, fòm pa komande. Nan peyi pam kon pa komande. Wo, yon nou paret avèk fòm. Nan peyi pam kon pa komande. Se fòm, se fòm, se fòm ou ye. Nan peyi pam kon pa komande. Men kon bè gen fòm, men koupe gen fòm. Alè ki lè fè tout bagay chanje. Tout bagay chanje, tout bagay chanje. Ma poblije, pale maman pou. Mwen pale pou ou fè trop bagay. Ma pe mande ki lè wap korije. Ou pap korije, ou pap korije. Alè ki lè fè tout bagay chanje. Tout bagay chanje. Tout bagage changé, avec qui le met tout bagage changé. Tout bagage changé, tout bagage changé. Avec qui le met tout bagage changé. La chaîne, la chaîne de maille. La chaîne même demi-maille. La île. La chaîne Mounio. Passer le boulot. Même pas cacher pour cap dans ce nom. Sorti boulot, toi, 8e. La guille. La pété dans mes ongles. La guille, on va attendre des abdos. La chaîne. La guille, Mounio. Fais-moi faire mes longs. Vous voulez voir la guille. Regardez, non. Sacrimenté à cause ça. Ah bon, c'est flashou. Bon. Okay.